Let's go. Are you ready? Chaque dimanche soir, rendez-vous avec DJ Case. Bonsoir, ouais. Bienvenue. Comment ça va, Case? Très bien. Très bien, le ramadan se passe bien? Très bien. Et là, on se retrouve sur High Supreme, la base. Voilà, c'est la les base nuits, du dimanche soir. Les nuits du dimanche soir. Et oui, pendant le ramadan. Avec DJ Case au contrôle. Déchaîné, parce c'est que figure-toi que pendant le ramadan, je mixe pas. Donc le seul moment où je peux me mixer, me lâcher, c'est le dimanche soir sur Skyrock. Et puis nous sommes aussi à la veille d'une longue semaine pour bien toi. Bien sûr. Ah oui. Parce que oui. Tu seras là tous les soirs entre 20 et 21 dans Planète Rap. Voilà, pour faire découvrir Paris en New York, l'album qui est sorti la semaine dernière. Ceux qui n'ont pas encore l'album, ceux qui veulent le découvrir, voilà. Toute cette semaine, 20h-21h avec DJ Case. Plein de surprises, des artistes, des freestyles, des mix, beaucoup de musique. Donc cette semaine, ça va être la fête de la musique x5. Et on attaque tout de suite. Allez, coup d'envoi de cette grosse semaine avec DJ Case pour High Supreme maintenant. Ça dit quoi? Tu vas où CD? Ça dit rien, frère. Toi, moi je vais au Maroc. Hein. Toi, tu vas où? Ah ouais, moi je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Ah ouais, mais attends, il y a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Tunisie. Vas-y, lourd. Mais attends, là, il y a un deuxième problème. T'as de l'argent pour l'essence? Ah ouais, mais c'est la haze, gros, j'ai 10 euros. Quoi? Yeah.

naturel, du vélo naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines, beauté marocaine. Oh, beauté marocaine, beauté marocaine. Du vélo naturel, du vélo naturel. Oh, beauté marocaine, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Voici le retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au bout de miel. Ma vie, je sais tu m'aimes.

tes trésors. Moi, je vaux mieux que tout ça. عمري وانتي حياتي تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب الشاق عايشة عايشة ديك تتموى عايشة عايشة دم بابا عايشة عايشة listen to me عايشة عايشة Y'a la mort de se faire la guerre. Combien de frères sont tombés? Ça m'en a

chi hamo me le den den den den dayni ana bharra li rani lamri le den den den den dayni kindir qalbi rani shufri habti bini digdir li bghayt al amr bonsoir minuit 1 heure c'est Rai Suprême en direct sur Skyrock. tout le monde. Viva la Giré, one, two, three. Viva la Giré, one, two, three. Viva la Giré. du doux. Crotte dans l'orange, le soleil t'attire. Legging orange, tu veux plus partir. Crotte dans l'orange, le soleil t'attire. Legging orange, tu veux plus partir. Crotte dans l'orange, crotte dans l'orange, crotte dans l'orange. Ça dit rien, frère, bah moi je vais au Maroc, hein. Toi tu vas où? Ah ouais, moi je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Ah ouais, mais attends, y'a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Tunisie. Vas-y, vas-y, lourd. Mais attends, là y'a un deuxième problème. Dimanche soir, DJ Kayes te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock. J'ai un drapeau facile. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main, carré sous les palmiers. C'est pas des Marocains. Elle s'appelle Ind. Elle aime pas la funk, pourtant she got a thing. Au but c'est les deux tubes, mais qu'est-ce que tu crois là? Je peux faire des deux, tu en veux, tu en vois là. J'suis dans la boîte. J'arrive dans le club, bitch, happy birthday. J'suis trop frais, j'ai pas le temps. J'suis vite que la night. DJ Kayes n'a pas le temps. Je je suis seulement, il se passe quoi là? Eh hey, gros, est-ce qu'il y a plus de coco? Y'a plus de coco? I'm in love with the. Ah vas-y, tais-toi, viens faire la montre. Jamais sans mes potos. Et c'est déjà fini comme chaque dimanche soir, il y a une fin. Eh oui, il y a une pour Rail Suprême, mais pour mieux revenir. Et en plus, cette semaine, cadeau. Cadeau, cette semaine, il y a Rail Suprême dans Planète Rap. On se voit dès demain. Donc, les auditeurs pourront nous écouter toute la semaine à partir de demain. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs? On va évidemment découvrir Paris en New York, c'est qui ça. Est sorti. Voilà, qui est sorti, et qui a été bien accueilli. Qui est sorti la semaine dernière, qui est toujours dispo. Et il y aura des artistes, des freestyles, il y aura du mix, ça va être vraiment une semaine de malade. Ouais. Donc à pas louper. Branchez-vous à 20h tous les soirs. Tous les soirs, voilà, cette semaine, ça va être la guerre. Paris, Oran, New York, à l'honneur. Merci Case pour cette soirée. Merci à vous. Et à tout à l'heure. Ciao. Rap et R&B non-stop. Skyrock.